Oso joki soko moni mwana kema kiti na nzete keba kotumola ete po mama na ye aza na pembe hein vous comprendre hein? Nalingi na ye baba nani baza très dangereux hein? Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia. Alors à partir de là, il faut tambola calme. Amen. Donc on sortit à pas moko on sort tambola. Le binaza mon est le roi des rois. Donc il a kokako simba ngaite, a kokako doda ngaite. Pour naza na katia mulangi, mulangi nzambe ngai papa, le tout puissant, le Seigneur des seigneurs. Oh Azana qui t'y a beaucoup zinaï na likolo et les kinyos. Alléluia. Sans effet, pas qu'il sans make a